Les chasseurs de nazis. Chapitre 7. Les Américains font le ménage. Deuxième épisode. Je me suis rendu dans les locaux du service d'immigration. Ils avaient posé les dossiers sur... C'était même pas un bureau, c'était une table nue avec des chaises en métal. Une pièce plutôt sinistre. Et j'ai commencé à les lire. Elizabeth Holtzman est une sénatrice américaine qui, avec son amie Beate Klarsfeld, peut être considérée comme une des seules chasseuses de nazis. En 1973, elle découvre que le service d'immigration américain a recensé les noms de 53 cas litigieux et que rien n'est fait. Elle décide de passer à l'action et réclame de consulter tous les dossiers. Dans chaque dossier figurait le nom, puis l'allégation. Vous savez, chef de la police impliqué dans des rafles de juifs, membre de la SS locale qui collaborait avec les nazis, quelque part en Europe de l'Est. Et puis, au lieu de mentionner les actions entreprises pour l'enquête, il était écrit qu'un agent de l'immigration avait rendu visite à ce présumé criminel de guerre nazi et s'était enquis de sa santé. Et il avait répondu : « Je vais bien ». Ça, c'était un premier dossier. Je me suis dit : « Bon, enfin, un dossier, ça ne veut rien dire. Voyons les autres. » Et là, même chose, une personne différente à qui le service d'immigration rend visite et il se contente de lui demander comment il se porte. Aucune information sur la recherche de preuves dans un autre pays, même chose que dans le premier dossier, aucun effort pour retrouver des témoins. J'étais déjà scandalisée après avoir lu le deuxième dossier, et puis j'en ai encore parcouru, je crois, 3, 4, 5, inutile de lire les 53 dossiers. Il était évident que les services d'immigration ne faisaient strictement rien pour traduire ces personnes en justice. Qu'ils avaient de sérieuses raisons de les soupçonner d'avoir participé à l'extermination de juifs. Ces personnes étaient coupables de crimes de guerre. Et ils ne faisaient rien hormis s'enquérir de leur santé. Ça me semblait incompréhensible. Le service d'immigration n'est pas une agence de santé publique, ne l'a jamais été, ne le sera jamais. Armed with that information. Alors, forte de cette information, j'ai décidé que la seule chose à faire, c'était de la rendre publique, de le faire savoir au peuple américain et d'essayer de changer cet état de choses. Et c'est ce qui s'est passé assez rapidement. J'ai publié un communiqué de presse où j'expliquais ce que j'avais découvert et où je listais une série de mesures que devait prendre le gouvernement américain, selon moi, dont premièrement la création d'une unité distincte créée au sein du gouvernement américain chargée de traquer ces criminels de guerre nazis, de réunir les preuves contre eux, où qu'elles se trouvent, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, de s'efforcer d'identifier des témoins et d'essayer d'amener ces personnes devant les tribunaux. Et finalement, il a fallu plusieurs années, mais en 1979, enfin, cette unité a été créée. Le gouvernement était réticent, mais en 1979, j'étais devenue présidente de cette sous-commission. Alors, j'avais une réunion informelle avec des responsables du ministère de la Justice. C'était une audition, ils devaient y assister, et je leur ai dit... Vous savez, j'aimerais que le ministère de la Justice mette en place une unité spéciale au sein de la division des affaires pénales pour s'occuper du problème des criminels de guerre nazis. J'avais choisi la division des affaires pénales parce que c'est un service très professionnel et apolitique du ministère de la Justice. Elle est chargée de retrouver les auteurs de crimes. et elle garantirait, selon moi, un haut niveau de professionnalisme et de crédibilité à toute cette entreprise visant à traduire en justice les criminels de guerre nazis réfugiés aux États-Unis. Et la réponse des représentants du ministère de la Justice, quand je leur ai demandé de créer cette unité spéciale, ce fut « non ». Alors j'ai répliqué « vous pouvez refuser ». Mais soit vous le faites de votre plein gré, soit je vais l'inscrire dans la loi et cette unité sera créée. Il n'a pas été facile de porter ces cas devant les tribunaux parce qu'ils étaient devenus citoyens des États-Unis. Alors il fallait d'abord leur retirer leur nationalité américaine et pour cela passer devant trois instances judiciaires, le tribunal de première instance, la cour d'appel et la cour suprême des États-Unis. Après les avoir déchus de leur citoyenneté américaine, il fallait intenter une action pour les expulser du pays. Tribunal de l'immigration, cour d'appel de l'immigration, cour d'appel fédérale, cour suprême des États-Unis. 7 étapes au total. Donc cela représentait un effort colossal. Et mon souci était de garantir l'efficacité, le professionnalisme de toutes ces procédures, que personne ne puisse dire ensuite « Oh, vous savez, c'était la justice du vainqueur ». Non, 7 étapes judiciaires pour expulser quelqu'un des États-Unis, je me suis attachée à ça. Et dans l'intervalle, en attendant la création de cette unité, j'ai essayé de pousser le ministère des Affaires étrangères à contacter l'Union soviétique pour obtenir des documents, à contacter Israël pour obtenir des documents, ce genre de choses, pour faire avancer l'enquête. Et quand on a cherché à comprendre pourquoi ces criminels de guerre nazis étaient venus ici, on a rencontré beaucoup de résistance parce qu'ils étaient venus et avaient été autorisés à rester avec l'aide des agences de renseignement américaines. Et ce n'est qu'après avoir quitté le Congrès que j'ai pu convaincre une sénatrice de déposer un projet de loi. Ça marchait avec elle. Nous avons donc créé, ou elle a créé avec mon aide, un groupe d'experts au niveau fédéral pour superviser la déclassification des dossiers des services secrets américains. Et nous avons rédigé la loi qui autorisait la déclassification de ces dossiers. Plus de 8 millions de pages de documents ont ainsi été déclassifiés. Certains, par exemple, les documents des armées, étaient en mauvais état, comme les microfilms. Il y a eu détérioration de preuves. Et certaines agences avaient de très mauvaises méthodes de catalogage des informations. On ne pouvait pas appuyer sur un bouton en demandant « criminel de guerre nazi » et pof, toutes les informations apparaissent. La CIA résistait farouchement. Mais nous avons fini par obtenir tous les documents en sa possession, du moins ce qu'elle savait qu'elle détenait, parce qu'il n'y avait pas ce bouton magique, donc on pouvait toujours dénicher d'autres documents si on trouvait d'autres noms. Il y avait 4 historiens qui travaillaient avec nous pour s'assurer que tous ces documents relatifs à l'entrée de criminels de guerre nazie sur le sol américain et qui avaient été déclassifiés, que ces documents secrets soient rendus publics et révèlent toute l'histoire, ou une bonne partie de cette histoire, à savoir qu'après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain a décidé que ses véritables ennemis n'étaient pas les criminels de guerre nazie, mais que c'était l'Union soviétique et le communisme, et que la fin justifiait les moyens. Donc tous les moyens étaient bons pour combattre le communisme, y compris le fait d'utiliser des criminels de guerre nazis. Bien sûr, ce que le gouvernement américain n'avait pas mesuré, c'était que les nazis n'étaient pas franchement populaires en Europe, nulle part, et que se servir des nazis n'était pas la méthode la plus efficace pour lutter contre le communisme. D'ailleurs, il y a des cas, je peux vous en parler, où il s'est avéré que le fait d'utiliser des criminels de guerre nazie a nui aux efforts militaires et aux intérêts des États-Unis. À demain. pour la suite des chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarez.